je me présente, Loïc, conducteur au dépôt d'Annemasse. Sylvain, moi je suis gestionnaire de moyens. On est là aujourd'hui pour vous parler du Léman Express, le plus grand réseau transfrontalier d'Europe. CEVA, 4 petites lettres pour le chantier du siècle entre Haute-Savoie et Suisse. Un véritable RER transfrontalier grâce à la construction de 16 km de voies ferrées. Ça fait maintenant 6-7 ans que le projet est dans les cartons et il est, voire plus, ça fait bien 80 ans, on pourrait dire, mais 6-7 ans que les dossiers sont montés. Dès le 15 décembre 2019, les trains circuleront entre les deux pays. Maintenant qu'il est debout, il n'y a rien qui roule, tout simplement, avec les grèves actuelles. Donc il y a évidemment nationalement la réforme des retraites. Sur le plan local, des accords ont été passés avec la direction. Nous avions réussi à avoir une indemnité sur la vie chère d'Annemasse, une compensation sur la mise en service du Léman Express. Et quelques jours après, est ressorti un éclaircissement, comme ils appellent ça, qui a mis à jour l'accord local. 15 décembre, il fallait que nous ayons au moins 60% des trains qui roulent. Ils nous mettent des choses sur la table en disant voilà, on les conditionne à ça, puis au dernier moment ils en rajoutent. Et en gros, nous sur Annemasse, ils nous avaient dit tant que vous travaillez sur Annemasse, vous n'avez plus le droit de vous battre parce que le Léman Express est trop important. Que les 60% n'ont pas été effectués et l'accord local a été supprimé, tout simplement. Au-delà de l'infrastructure, c'est une grande agglomération transfrontalière qui est en train de naître entre les deux pays, la France et la Suisse. Avec les collègues suisses, il n'y a pas forcément d'animosité. On ne roule pas sur nos lignes, donc on ne casse pas notre mouvement de grève. Après, ce qui reste très compliqué, on est sur une différence de salaire qui est jour et la nuit. Comme mécano en France, il tourne autour de 2 000-2 500 euros. Quand en Suisse, il fait 5 000-6 000 euros. C'est vrai qu'on aurait apprécié que les collègues du ferroviaire suisse soient plus présents quand ils passent sur Annemasse, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent discuter avec nous pour savoir pourquoi on est en grève sur ce qu'on connaît nous localement. Le Léman Express, un train qui fait tomber les frontières. Ça se fait pas, ils étaient un peu plus présents l'année dernière sur le conflit qu'on a eu sur la réforme du système ferroviaire en lui-même. Ce qui reste plus compliqué, qu'on a plus de mal à comprendre, et c'est que les salariés français, en règle générale, se mobilisent pas plus dans leur boîte. Ça, quoi, aujourd'hui, il y a une solidarité financière qui est importante, mais ce qu'on aimerait, nous, c'est une solidarité active dans la grève, que les gars ils partent en grève dans leur boîte, et, parce que c'est ça qui fera plier le gouvernement le plus rapidement possible. Donc, ça fait 26 jours qu'on est en grève. 36, j'en ai oublié 10. Donc on doit être globalement tous à peu près à une trentaine de jours vraiment d'action concrète. Donc ça commence un peu à tirer. S'il n'y a pas une prise de conscience dans le privé et dans la fonction publique des enjeux, chez nous ça tiendra plus forcément, on ne va pas tenir encore 36 jours. Je ne veux pas nous placer sur un piédestal de lutte, mais si le gouvernement arrive à faire plier la SNCF, ils savent qu'ils peuvent faire plier absolument tout le pays. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est pour ça qu'on se bat encore plus fort et qu'on veut garder cette image de personnes qui luttent jusque pour tout le monde et pour toujours, quoi. On est quand même la seule entreprise en France où on a été capable d'enchaîner 4 conflits majeurs en 5 ans. Celui-là, on va faire en sorte de le gagner. Mais avec les 3 précédents qu'on a perdus. Et malgré tout, on arrive à y retourner parce qu'on a une conscience dans l'entreprise de ce qu'est la lutte et du combat de classe, ce qui est moins vrai aujourd'hui dans le reste du milieu industriel français. On reste une corporation où il y a besoin de monde, où il y a du nombre, et où pour le coup, c'est plus facile d'avoir une démarche d'adhésion dans les syndicats que dans des petites boîtes où ils sont 8, où s'il y en a un qui se syndique, le patron il le sait tout de suite, et c'est la porte, elle est en face, mon gars, et tu t'en vas. Nous, on a encore cette capacité où la boîte ne peut pas réduire le volume d'agents. Et c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui continuera à faire notre force, qui continuera à nous permettre de mener des luttes victorieuses de préférence.